107.0 RGM Radio Gémozo, ta radio locale préférée. De l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gémozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans les studios de RGM aujourd'hui, je suis avec Olivier Claudon. Bonjour, comment ça va ? Bonjour Laura. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots nos auditeurs ? Oui, Olivier Claudon, artiste peintre, illustrateur et plutôt maintenant connu en tant que peintre animalier. Depuis quand est-ce que vous êtes artiste ? Alors, j'ai fait des études pour apprendre les métiers d'art, mais après, le statut d'artiste, je l'ai pris vraiment officiellement en 88. C'est-à-dire que là, j'ai eu mon numéro de Sirette. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous tourner vers l'art particulièrement ? Disons que c'est toujours le problème de l'orientation quand on sort du collège. Moi, à l'époque-là, je savais pas vraiment ce que je voulais faire dans mon avenir. Et en fait, les gens me disaient autour de moi, tu sais dessiner, enfin, tu dessines pas trop mal. Pour l'époque, malgré le peu de cours de dessin que je faisais au collège, les gens pensaient que j'avais des capacités. Donc, j'ai cherché à trouver une voie dans ce domaine en passant un concours du côté de Lyon, aux arts appliqués. Concours que j'ai réussi et j'y suis rentré en 1979. Est-ce que vous avez toujours dessiné des animaux ? Parce qu'au début, quand vous avez passé votre diplôme, etc., vous dessiniez quoi ? Un peu comme tout le monde, comme tout dessinaient tous les gamins à l'époque. On dessinait très peu, en fait, les arts plats, comme on dit, n'existaient pas beaucoup au collège. Bon, je gribouillais un peu de mon côté. En fait, non, j'étais plutôt dans la période bande dessinée, comme souvent les enfants, les ados. Et j'étais assez branché à l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui les Marvel. Sauf qu'à l'époque, on appelait ça les comics, mais c'était de la BD. Donc je dessinais un peu j'irais des Batman ou des Superman. Puis un petit peu quand même des choses que je voyais autour de chez moi, dans mon entourage, mais je dessinais très peu en fait. J'ai tout appris à l'école. Qu'est-ce qui vous inspirait des fois quand vous aviez envie de dessiner ? C'est difficile à dire, bon c'est loin déjà, mais je dirais franchement que je me suis révélé vraiment à l'école. C'était à l'école de dessin, je dessinais très peu. Mais ça a vraiment été une révélation qu'une fois que vous aviez été là-bas, vous êtes dit « Ah, je vais dessiner des animaux ». Non, je vais déjà apprendre à dessiner, avant d'apprendre à peindre, mais surtout apprendre à dessiner. Et cette école a été très, très formatrice dans le sens où vraiment c'était une école où on apprenait à dessiner. Même si c'était une école où on sortait avec un diplôme à l'époque, ça s'appelait brevet de technicien en art appliqué, option art graphique, où on apprenait en fait à devenir ce qu'on appelait dessinateur maquettiste en publicité, aujourd'hui on dirait graphiste ou web designer, mais cette école-là se concentrait beaucoup, beaucoup, beaucoup sur des choses qu'on ne fait plus maintenant d'ailleurs, à apprendre les bases dans tous les domaines du graphisme, des arts graphiques et de la peinture, en passant aussi bien par la perspective, l'anatomie, l'étude documentaire, le dessin d'observation. Et bien sûr, le travail de maquettiste. Mais quand vous peignez, vous dessinez pas avant, par exemple ? Parce que la peinture, elle vient pas toute seule. Faut dessiner, par exemple, les petits motifs, etc. Par exemple, si vous peignez un paysage. Alors, je dirais qu'on a tous plus ou moins notre façon de travailler. Moi, j'ai une énorme base de dessin que je continue à pratiquer. Aujourd'hui, ça fait partie de la moitié de mon travail, de toujours dessiner, puisque j'estime que c'est les bases, c'est le bâti de ce qu'on fait. Ça sert aussi beaucoup, beaucoup dans la peinture, puisque sous la peinture, il faut qu'il y ait des bonnes bases. C'est-à-dire que, alors quand je dis des bonnes bases, c'est-à-dire que moi, si par exemple, j'attaque un travail qui va être, dans sa finalité, qui va être une peinture, il y a très, très peu de dessin à la base. Mais c'est quand même, il y a une construction s'il y a de la perspective, vous parliez de paysage, s'il y a de la perspective, ou si c'est un animal, c'est pareil, anatomiquement, il faut respecter ces choses-là. Mais il y a très, très peu de traits. Mais par contre, ça permet d'aller très, très vite, de pas s'attarder sur la construction. Et après, on passe à une autre étape qui est la peinture, qui est un autre domaine que le dessin. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans tout ce que vous faites ? Eh bien, c'est ce que j'ai fait depuis pendant plus de 35 ans de ma carrière professionnelle, c'est-à-dire la polyvalence. D'ailleurs, quand on va visiter mon site internet, c'est ce qui est expliqué dès le départ en introduction, c'est que je suis un artiste caméléon et polyvalent. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours travaillé en fait beaucoup, beaucoup à la commande et ça ne m'a jamais dérangé puisque dès la dès le départ de ma formation, enfin, je dirais de ma formation et surtout quand j'ai commencé à travailler pour moi, on m'a conseillé de continuer à faire ce que je savais faire, c'est-à-dire savoir tout faire, aussi bien en fonction des techniques qu'en fonction des sujets. C'est ce côté polyvalent qui d'ailleurs m'a permis aussi, entre guillemets, d'arriver à en vivre ici dans les Hauts-de-Vosges. Est-ce que c'est vrai qu'une fois que vous exposez vos œuvres, on dit que ça ne nous appartient plus ? Parce que vous dessinez pour vous, mais après vous l'exposez aux gens. Est-ce que vous pensez que ça ne vous appartient plus si ça appartient aux visiteurs, par exemple ? C'est une question un petit peu compliquée. Ça dépend comment on se place par rapport à ce mot « appartenir ». Moi, j'estime que ce que je crée, même s'il se retrouve accroché chez des clients, ou clients privé ou client professionnel, hein, puisque ça peut être aussi bien une illustration, un dessin pour une entreprise, que ça peut être une toile ou un dessin pour un client privé qui a flashé sur une de nos œuvres. Moi, j'estime que ça m'appartient toujours dans le sens où je sais que j'ai créé cette œuvre-là, elle est unique, et même si elle est ailleurs, c'est que j'en suis toujours le, entre guillemets, l'auteur ou le responsable. Après, le côté appartenir, c'est plutôt, par rapport à la phrase que vous avez citée, c'est plutôt le côté, je dirais, voilà, elle est faite, elle est finie. Maintenant, c'est au spectateur, au visiteur de l'apprécier telle qu'elle est, de la comprendre ou de pas la comprendre, de l'aimer ou pas l'aimer, ou de s'en approprier ou pas. C'est plutôt dans ce sens-là, quoi. Comme vous faites à la demande, est-ce que vous préférez peindre ou dessiner quelque chose qui vous plaît ou quelque chose que le client vous demande mais qui vous ne plaît pas forcément? C'est intéressant comme question puisque justement moi j'ai calé ma carrière sur ça, sur le fait de justement travailler comme un artisan d'art. Hein, vous allez à Thiers, vous demandez à un artisan d'art qui fait des couteaux, vous lui dites ben voilà moi je veux un manche dans la corne de vache ou du bois de serre, je veux que la lame ait telle forme, je veux que vous graviez, que ça soit gravé telle chose sur la lame. Voilà. Donc il va travailler avec un cahier des charges, il va utiliser son savoir-faire, les techniques qu'il connaît en fonction de ce que vous aimez faire, un peu comme un cuisinier. Si on veut. Et moi, c'est quelque chose que, par rapport à beaucoup d'artistes qui ne m'a jamais dérangé, c'est-à-dire travailler avec le cahier des charges du client. Même si je fais aussi, bien sûr, des choses de ma propre création, ma propre pensée, ma propre envie, je suis totalement capable de travailler pour ce que le client va vouloir. Alors, il arrive qu'il y ait des commandes qui soient purement techniques, c'est-à-dire dans le sens où on me donne une photo pour faire le portrait, je refais le portrait. Bon, là, je fais appel à mon savoir-faire, puis je refais le portrait tel qu'on me l'a demandé, si ça soit en peinture, ou en crayon, ou à l'aquarelle, ou dans différents domaines. Mais il arrive des fois qu'il y ait des sujets qui soient très intéressants à réaliser, très compliqués ou très intéressants, très motivants, qui soient sous forme de challenge. Et puis il arrive des fois qu'on ait des travaux à faire pour un client qui soient pas intéressants du tout, mais on les fait quand même. C'est un peu plutôt ce qu'on appellerait l'alimentation. Et pourquoi avoir choisi de peindre ou de dessiner des animaux ? Alors ça, c'est quelque chose qui est arrivé petit à petit au fur et à mesure de ma carrière. J'avoue qu'au début, j'en dessinais pas beaucoup. Enfin, j'avoue, c'est les opportunités qui ont fait que par rapport à mon métier de peintre illustrateur, où je n'avais pas beaucoup, j'irais, d'occasions ou de commandes dans ce sens, même si j'en avais quand même quelques-unes. Mais et puis, j'irais dans les années, ça a vraiment commencé dans les années 95, 95-2000. Où j'ai commencé à repartir un petit peu plus dans une idée de refaire de la création personnelle, où j'ai commencé à redessiner, à repeindre surtout faire de la peinture animalière, en faisant des expos aussi, et en me rendant compte que le sujet plaisait. Et puis, suite à ces critiques, ces réflexions, je me suis dit, ben voilà, il faut que j'en fasse plus. Et puis, c'est en faisant que je me suis rendu compte que ça me plaisait, que je me défoulais dans ce sujet. Et puis maintenant, depuis de nombreuses années, ça fait partie de... Ouais, le dessin et la peinture animalière maintenant fait partie presque à 70-80% de ma création. Et quel animal vous fascine le plus sur votre site internet ? Il y a le loup, mais est-ce que c'est lui qui vous fascine le plus ? Alors ça dépend si on peut être fasciné et ne pas en faire non plus une production intense. Alors par rapport au sujet, je dirais au sujet animalier, quel animal on va plutôt peindre que quel autre animal. On a tous des démarches très différentes entre artistes animaliers. Moi je connais des artistes animaliers maintenant du fait d'exposer au niveau national ou voire international avec d'autres collègues qui travaillent pratiquement que dans ce domaine de l'animalier, d'exposer avec eux, je me rends compte que on a tous des approches différentes. Je connais des artistes animaliers qui vont se choisir plus ou moins un animal. Je connais par exemple un artiste sculpteur qui fait des sculptures à raku et il ne fait que des cétacés, requins, baleines, dauphins, choses comme ça. Puis je connais une peintre qui ne fait pratiquement que des félins et qui ne fait d'ailleurs dans ses félins pratiquement que des panthères des neiges. voyez, c'est très différent d'une personne à l'autre. Moi, je suis assez, ça reste pareil, je suis assez polyvalent. C'est plutôt des, je fonctionne plus au coup de cœur ou à l'envie. Je trouve que, tiens, je me dis, je vais envie de faire une magnifique robe d'une tête de tigre. Bon, voilà, je le fais, mais j'ai pas plus d'affinité avec le tigre qu'avec le lion ou la panthère. Alors après, par contre, c'est vrai qu'il y a certains animaux qui reviennent peut-être plus dans notre création. Moi, je sais que je suis assez attiré par la faune des Hautes-Vosges. Bon, c'est aussi le fait d'y vivre. Et dans ce domaine, le lynx, oui, pour revenir au mot fasciné, est un animal qui est fascinant. Et sinon, ben, dans ma création animalière, bon, je vais un petit peu taper dans tous les domaines. Il y a des animaux qui nous intéressent moins, même si des fois ça peut être un défi, hein, ou quand vous lancez dans tout ce qui est reptiles, animaux à plumes, c'est plus difficile. Enfin, c'est plus difficile. C'est assez difficile à rendre au niveau des textures de la peau des animaux. Mais par exemple, dans le domaine animalier, c'est vrai que je suis très connu ici maintenant dans le Grand Est pour être entre guillemets le peintre animalier de la vache vosgienne. Alors là, c'est pas de la fascination, c'est plus je dirais le fait simplement d'avoir connu cet animal dans mon enfance. Et cet animal est revenu dans ma création animalière, pareil, dans les années 90-95, sous forme de peinture. Et le fait d'avoir travaillé, d'avoir continué à travailler cet animal au fur et à mesure des années, je suis devenu un petit peu l'ambassadeur artistique. Alors, c'est pas moi qui me suis donné ce titre, ça vient tout simplement de Gilles Laporte, l'écrivain qui à l'époque travaillait pour la Chambre d'agriculture des Vosges et s'occupait aussi à l'époque de la communication. Grâce à lui, j'ai eu quelques portes qui se sont ouvertes. Il m'a fait exposer à Épinal à la Maison du Bailli. On a fait une super expo sur la race vosgienne. J'ai continué à développer mon travail autour de cet animal et puis de ce fait, j'ai fait un retour dans le milieu du monde animalier et monde paysan et de la vache vosgienne. Maintenant, je travaille avec les éleveurs, bénévolement bien sûr. Je travaille avec eux, je fais de la promotion de la race à travers mes créations, je les suis sur les foires, je fais des démonstrations, j'ai travaillé à l'imagerie d'Épinal pendant un certain temps, j'ai créé deux images sur la Vosgienne. En fait, maintenant, dans ma part animalière, il y a au moins 40% de travail autour de la vache vosgienne. Nous allons faire une première pause musicale avant de parler de vos œuvres. On vous laisse avec Stromae avec son titre Cancer. On se retrouvera juste après sur Radio Gemozo. Mais oui, on se connaît bien. T'as même voulu te faire ma mère, hein. T'as commencé par ses seins. Et puis du poumon à mon père, tu t'en souviens? Et tu aimes les petits enfants? Décidément, rien ne t'arrête, toi. Et arrête de faire ton innocent sur les paquets de cigarettes. Fumais-tu? Tu m'étonnes, mais tu m'aides. Tes avances, quand c'est que tu pars en vacances, quand c'est, quand est-ce que tu y penses, quand c'est, ça nous fera des vacances. Quand c'est. Qui est le prochain? Nous sommes de retour avec Olivier sur les ondes de RGM. Alors sur votre site, on peut lire « Je trouve toujours extraordinaire qu'une peinture sans bruit, sans odeur, sans voix parvienne à exprimer des sentiments et à faire passer des messages. » Ça veut dire quoi ? Je dirais que ça peut être très, totalement involontaire comme ça peut être involontaire. Et je l'ai pu le constater en fonction notamment des réactions ou des discussions avec des visiteurs dans des expos ou sur des salons. Moi, je compare ça un petit peu à... Alors, c'est différent puisque c'est à travers des mots, mais je compare ça un petit peu comme un écrivain dans un bouquin aussi, mais plutôt à un acteur sur une scène de théâtre ou alors carrément à travers une chanson. C'est l'exemple avec la chanson qu'on vient d'écouter avec Stromae. Et chacun le ressent différemment. En peinture, c'est vrai que des fois je suis assez surpris. Les gens découvrent des choses que j'ai mis presque de manière involontaire. Je le sais après en voyant le final, mais et ils vont arriver à décortiquer ce que j'ai voulu faire passer comme message. Alors, est-ce que c'est totalement involontaire ? Non, mais ça arrive. J'ai vu un de vos dessins ou peintures, c'est un gorille, et j'étais fasciné par l'intensité du regard. C'est un bel exemple. C'est un bel exemple. Alors, pour en revenir à la question qui était posée tout à l'heure sur le choix animalier, c'est l'exemple. Alors là, on est dans les primates. J'adore ça, j'adore les primates. J'ai toujours été fasciné par les primates, notamment les gorilles de montagne. À l'époque où était sorti le film consacré à la vie de Jan Fossey, qui s'était occupé de la sauvegarde des gorilles du Rwanda, j'avais été fasciné par le film. J'ai lu des bouquins sur son travail, tout ça. Et j'avais déjà commencé à peindre sur les gorilles, pareil, quand je me suis remis à la peinture animalière dans les années 90. J'avais fait une belle peinture sur le sujet. Là, c'est un dessin que j'ai réalisé, je crois, il y a 2-3 ans, notamment dans le cadre du Salon des artistes animaliers à laquelle j'avais participé en tant qu'invité d'honneur. Et j'avais envie de peindre cet animal pour le montrer en tant que... Alors justement, c'est marrant d'en parler parce que j'ai vraiment voulu l'interpréter pour montrer que c'est un colosse au pied d'argile. D'ailleurs, c'est le titre de cette œuvre, où justement, il est dessiné, où on voit vraiment cette partie supérieure de l'animal, avec un regard qui vous fixe, qui vous interpelle, qui est pas menaçant, mais qui vous interpelle de manière très froide, très dure. Et pourtant, ce colosse est fragile, puisque maintenant il est sauvegardé, mais à très très petit nombre, hein, bien sûr. Et je voulais en parler justement, de forme de message un petit peu écologique derrière tout ça, bien sûr. Et la façon dont je l'ai représenté est là justement pour vous interpeller. Les primates, c'est un animal qui se rapproche le plus de l'homme. Est-ce que c'est pour ça que c'est un animal qui vous fascine ? Pas obligatoirement. On peut être fasciné par l'apparence purement esthétique. On peut être fasciné par ses performances. On peut être fasciné pour son mystère, notamment par exemple quand on parle du lynx. Hein. Mais non, pour revenir à la question, les primates. Alors j'ai pas mal bossé sur le sujet, notamment en peinture, puisque j'avais fait réaliser une peinture qui s'appelait 99%. En fait, c'est le nombre de gènes en commun entre l'homme et les primates, entre autres les quatre grands singes, hein, les quatre grands singes, c'est-à-dire le gorille, l'orang-outan, le bonobo et le chimpanzé. J'avais réalisé une toile de grand format qui représentait justement ces quatre grands singes, et j'avais repris une scène un détail d'une scène qui figure sur la chapelle Sixtine, une fresque de Michel-Ange, où on voit justement deux mains qui vont se toucher, deux doigts qui vont se toucher. Et moi, j'ai remplacé, j'ai mis une main d'homme et de l'autre côté une main de primate, puisqu'à un moment, ça a dérivé, et c'est ce qui a fait que ça a fait la branche des humains, enfin des hommes, et la branche des primates. Et qu'est-ce que vous utilisez comme matériel pour faire, par exemple, un gorille, un loup, etc. ? Alors, c'est trois beaux exemples. Par exemple, ma peinture qui s'appelle 99%, qui traite des quatre grands singes, c'est de l'acrylique sur toile. Technique, j'utilise beaucoup, beaucoup en peinture et en peinture animalière. Le dessin du gorille, alors on appelle ça un dessin, mais c'est une technique mixte. C'est sur papier. Là, c'est un papier de couleur. Et j'utilise un mélange de... Alors, je travaille par couche, puisque je commence par aquareller le dessin. J'utilise de l'encre de couleur, donc des couleurs très, très diluées, pour mettre un fond coloré sur lequel je vais retravailler au pastel sec ou au crayon noir pour rehausser les contrastes. Et souvent, je finis avec, dans ce genre d'exemple, par exemple, je finis avec de l'acrylique blanche, voire du crayon blanc, pour retravailler ces contrastes noir-blanc, pour vraiment travailler les volumes, les ombres et les lumières. Ça, c'est la technique mixte. Et puis sinon, par exemple, dans l'exemple du loup, puisque vous l'avez cité, là, c'est du dessin au crayon noir sur papier, tout simplement. Il n'y a qu'un seul matériau, c'est le crayon noir. Et tout le travail et toute la difficulté est de réussir à trouver à réinterpréter l'aspect de l'animal. Là, ici, le poil du loup, mais aussi les contrastes. Donc, il faut travailler les ombres et les lumières, les gris. Et sur un dessin comme mon dessin de loup, par exemple, là, on a une gamme de gris qui vont à des gris presque blancs jusqu'à des gris qui deviennent totalement noirs, mais toujours avec le même crayon. Et là, c'est à moi de techniquement réussir à maîtriser un matériau de manière à exercer une pression ou un geste que je travaille depuis des années, une technique qui m'est très personnelle, que j'ai développée, que j'ai travaillé comme un pianiste qui travaille ses gammes, comme une danseuse de l'opéra qui travaille ses points tous les jours. Et moi, c'est pareil, à force d'avoir pratiqué dans cette technique du noir et blanc, maintenant je maîtrise mon crayon, je sais exactement comment il va réagir, et tout est dans la pression sur l'outil, donc c'est un savoir-faire. Et pour le crayon noir, par exemple, s'il y a un petit détail qui vous plaît pas, est-ce que vous pouvez gommer ou pas? Et ben là, justement, non. Non, c'est ce côté un petit peu par rapport à la peinture, ou pour donner un petit exemple, l'aquarelle, où vous posez la couleur, elle est posée, vous pouvez plus revenir. Enfin, il y a toujours des solutions quand même. Moi, dans ma technique aquarelle et technique mixte, je peux un petit peu retravailler dessus au crayon, je peux un peu cacher, je peux modifier. En aquarelle pure, les aquarellistes, non, c'est une technique aussi très, très, très spéciale. En peinture, on peut revenir, hein, je fais une tâche, une couleur me plaît pas, je reviens le lendemain dans mon atelier, je veux remodifier une couleur, une ombre, je peux recouvrir, c'est pas un souci. Là, dans la technique que j'utilise, alors comme moi, j'utilise pas du crayon de papier, le crayon de papier, on peut gommer, enfin, on peut pas toujours gommer à 100%, mais on peut gommer, tout dépend de ce qu'on a, la pression sur le papier. Là, moi, j'utilise un crayon noir qui fait des traits noirs, et si je fais un trait mal placé, je peux le gommer, je dirais, à 60%, guère plus, 70%. Il reste toujours quelque chose, donc on va le voir. Donc, à moi de ne pas faire d'erreur. Est-ce que vous êtes assez exigeant avec vous-même sur vos créations ? Oui. Oui, c'est une qualité à défaut. Je suis très perfectionniste dans tout ce que je fais d'ailleurs, mais pour rester rien que dans le domaine, alors je peux l'étaler dans le domaine de tout ce que j'ai fait depuis plus de 30 ans, notamment avec les commandes de mes clients, où là on est obligé d'être exigeant, hein, c'est comme un artisan, si vous êtes carreleur et puis que vous posez mal le carrelage, le client il va pas être content. Ben, moi c'est pareil, si je travaille pour une entreprise qui me fait un commerce ou même un privé qui me demande, il me passe une commande sur un sujet précis, il faut que je respecte le sujet. Pour exemple, quand je travaillais pour l'imagerie d'Épinal, j'ai fait des images d'Épinal sur des thèmes très très très pointus, comme par exemple, j'ai travaillé sur le thème du golf, le thème de la pêche à la mouche, sur l'abeille, les apiculteurs, sur le métier de boulanger. C'est des métiers très techniques ou des domaines très techniques où on est obligé on n'a pas le droit de commettre d'erreur. Le passionné ou le pratiquant, il va reconnaître s'il y a une erreur. Il va dire, oh, attention, là votre abeille c'est pas bon, ou alors le golfeur va dire, attention, là le geste il est pas bon, il est pas juste, donc il faut être précis, juste. Et dans le domaine animalier, là c'est pareil, moi j'ai une technique qui est très réaliste, donc l'animal il ne peut pas souffrir d'erreurs au niveau anatomique, au niveau rendu. On est obligé d'être très perfectionniste envers soi-même, très critique, il faut avoir beaucoup de recul. Et pour le gorille par exemple, est-ce que vous y êtes arrivé du premier coup, ou est-ce que vous avez fait plusieurs brouillons avant d'arriver à la version finale? Non, 90%, 95% maintenant de mon travail, mais ça c'est les années de pratique, c'est le savoir-faire. Maintenant j'arrive à faire du premier coup ce que je veux arriver à faire. Alors par contre, il arrive quand même que parfois on n'est pas satisfait. Alors ça dépend de à quel niveau on veut placer sa satisfaction. Il m'arrive des fois, je l'ai encore fait dernièrement, j'ai quelques toiles accrochées dans mon atelier, il y en a une qui me faisait loucher. qui pour moi était fini. Alors des fois, on ne sait pas comment. On me pose souvent la question, comment vous savez que c'est fini? Et ça se fait presque par instinct, finalement. On est arrivé au bout du... Alors des instincts, c'est plus facile, parce qu'on sait où on veut aller. En peinture, on pourrait toujours reprendre. En fait, non, il y a un moment, il y a peut-être une lassitude, où on estime, c'est comme quand on a fait un bord pas, on dit, oh, c'est bon, je suis rassasié, j'ai fini. Et là, en peinture, c'est un peu pareil. Ça m'arrive des fois de la reprendre, et parce qu'il y a quelque chose qui cloche, mais on ne le voit pas. Et puis d'un seul coup, pas pourquoi, un matin, on regarde la toile, ou un soir, ah oui, c'est ça, on le corrige, puis ah oui, ça y est, c'est bon. Mais par contre, il y a des œuvres que j'ai réalisées, j'estime qu'elles sont abouties. Actuellement, dans mon expo à la Bresse, il y a certaines œuvres, je me dis, ah oui, là quand même, bon, c'est pas pour se vanter, mais je me dis, ah oui, là quand même, t'as été fort, là c'est bon, on ne pouvait pas faire mieux, quoi. Puis il y en a d'autres, on se dit, bah ouais, elle est bien, mais peut-être que si je la referais, d'une autre manière ou mieux. Ça rejoint aussi la musique ou le sport, hein. C'est ce côté arriver à toujours faire mieux, quoi. C'est une forme de défi. Et combien de temps est-ce qu'il vous a fallu à peu près pour faire le gorille? Je vais finir par quoi? Vous avez une obsession sur mon gorille. Mais c'est vraiment, il m'a vraiment fasciné, c'est l'intensité du regard. C'est celui qui m'a le plus fasciné de toutes les œuvres que j'ai regardées sur votre site internet, en fait. Ben, je pense que c'est justement ce regard qui vous a fasciné. Je pense que c'est ça. Et c'est vrai que je vois à l'expo à la Bresse, là, les gens, souvent ils sont fascinés sur les regards des animaux. Alors, on le sait tous, hein, quand on est animalier, on y met, et qu'il y a une partie, notamment quand on fait qu'une partie d'animal, où on voit beaucoup la tête de l'animal, on a tendance à un peu exagérer, si je veux, entre guillemets, exagérer le regard au niveau de la... Je dirais qu'on cherche presque à l'humaniser. Alors, est-ce que c'est un petit peu de la tambouille d'atelier, hein, c'est notre façon de faire. Mais, et là, dans le cas du gorille. Alors, il y a deux raisons. Il y a le fait que c'est vrai qu'il nous regarde vraiment, hein, c'est intense. Mais ça vient aussi du fait que tout l'animal n'est pas représenté. Et qu'au niveau de la technique et de la précision, je suis vraiment allé. La partie regard, je dirais de la bouche aux yeux, c'est vraiment la partie de la toile, là c'est un dessin, qui est la plus travaillée. Au niveau du final, c'est vraiment là où je suis allé le plus loin. Et ça vient de ça aussi. Et ça rejoint un peu. Vous imaginez que vous êtes photographe animalier, vous êtes à 300 mètres du gorille, vous avez à 300, 400 mm, vous faites une mise au point sur l'animal, sur son regard, et le reste de la photo sera un peu flou. Du coup, le sujet du dessin, le sujet de la photo, c'est son regard. Et c'est pour ça que c'est pour ça que vous êtes fasciné par cette œuvre. Peut-être parce que pour moi, en fait, on dit toujours, les animaux, ils savent pas parler. Oui, mais ils savent très bien se faire comprendre d'une autre manière. Et le regard, par exemple, c'est une façon de se faire comprendre. Oui, alors, il y a des animaux qui sont assez marrants, ça. Et ça me permet d'en parler. Il y a des animaux qui sont plus ou moins intéressants au niveau du regard. Et par exemple, moi qui travaille beaucoup le sujet de la vache vosgienne, on a souvent un petit peu critiqué, oui, c'est moins noble qu'un cheval, le regard bovin, patati patata, bon. Et en fait, moi quand je dessine mes vosgiennes, alors déjà, elles ont un beau regard parce qu'elles ont l'œil qui est surligné de noir, donc ça ressort par rapport à ce blanc. Et les gens sont souvent fascinés par les yeux de mes vaches, sur mes toiles. Et souvent, les cadrages de mes toiles mettent en valeur le regard, l'œil de la vosgienne. Et par rapport à d'autres animaux, c'est vrai qu'il y a des animaux, l'œil d'un éléphant n'est pas très... il est très petit, l'œil d'une baleine est très petit, enfin, par rapport à la masse de l'animal, quoi. Mm-hmm. Alors que souvent, alors c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de peintres animaliers qui peignent les félins, parce que les félins, hein, du chat au tigre, en passant par le guépard ou le jaguar, l'œil est fantastique à dessiner. C'est très très beau. Très très beau. Moi, je connais un peintre animalier, il fait des gros plans de pratiquement que de l'œil du félin. Alors après, bah, chacun son choix, chacun... Les yeux des serpents, les yeux des lézards, les reptiles, tout ça, c'est assez fascinant. Alors c'est fascinant parce que c'est plutôt dans un sens hypnotique. Et puis quand on tombe dans les yeux, c'est vrai que l'œil de loup est pas mal non plus, quoi. C'est quoi le polyptyque? Alors, je dirais que c'est quand on a envie de faire une œuvre d'art en plusieurs morceaux. plusieurs, hein. Ça m'est arrivé déjà de réaliser des œuvres en plusieurs morceaux, de les découper. Là, par exemple, à l'expo à la Bresse, j'ai une œuvre peinte sur acrylique qui représente le flanc d'une vosgienne. On ne voit pas la tête, on ne voit pas l'arrière, on ne voit pas les pattes. J'ai juste fait la partie entre la fesse et le cou pour montrer les nuances de la robe de la vosgienne avec les brillances, le soleil qui fait briller à la fois et le muscle et les plis. Et puis en même temps, ça permet de travailler toutes les les nuances de la robe. Et là, je l'ai découpée en plusieurs parties. C'est-à-dire qu'elle est, elle est en triptyque. Et ça, je l'ai déjà réalisé sous d'autres formes, d'autres tableaux. J'ai fait un polyptyque qui représente des animaux, enfin des parties d'animaux, où j'utilise simplement deux couleurs de l'animal. C'est-à-dire, j'ai choisi des animaux qui n'ont pratiquement que deux couleurs. À savoir, par exemple, la salamandre, qui est jaune et noire, le panda, qui est noir et blanc, le zèbre, qui est noir et blanc, le poisson corail, qui est jaune et bleu. Et donc, j'ai utilisé, en fait, une seule couleur de l'animal en fond. Par exemple, la salamandre, le fond est jaune, sur tout le fond, plus ses taches. Et par contre, j'ai travaillé le noir, les parties qui sont là, je les ai travaillées de manière très réaliste. Et j'ai fait pareil pour le poisson, j'ai fait pareil pour le panda. Par exemple, le panda qui est blanc et noir, le fond est blanc. Toutes ces parties du panda qui sont blanches, je les ai pas travaillées, je les ai laissées et j'ai travaillé que les parties noires. Et j'ai mis ça sous forme d'un polyptyque qui fait, donc il y a 9 pièces, 3 par 3. Ils font des formats, en gros, 50 par 50. Et ils sont tous rassemblés quand ils sont exposés. Et ça se présente comment un polyptyque? Puisque moi, par exemple, j'avais été voir un triptyque à l'hospice de Beaune, ça ressemblait à une porte qui s'ouvre et qui se ferme. Et vous, c'est assez comment? Moi, c'est simple. Rassembler quand c'est exposé, c'est rassemblé de manière très très géométrique. Mais c'est vrai que là, cette technique de triptyque, de polyptyque, était beaucoup utilisée dans l'art religieux. On en trouvait beaucoup dans les églises, dans les cathédrales. Maintenant, on les trouve plutôt dans les musées puisque c'est conservé. Ils appelaient ça à l'époque des retables. Et c'est vrai que souvent c'était sous forme de niche. C'était souvent en trois parties avec une grosse pièce principale et deux parties de chaque côté, deux parties latérales. Un peu comme des volets, un peu comme si... D'ailleurs, certains se fermaient et étaient ouverts pour les montrer aux visiteurs. Bah, c'était ça, je crois, à l'hospice de Beaune, le tableau. Ouais. Oui, c'est ça. Quel est le plus grand format sur lequel vous avez déjà peint? Alors, si je prends dans toute technique, tout style et tout sujet, là où j'ai fait les choses les plus grandes, c'est en fresque, quand j'ai eu l'occasion de faire de la décoration murale, de réaliser des œuvres de grand format. Alors, le plus grand, j'essaye d'être juste... Le plus grand, c'est une fresque que j'ai réalisée au SDIS de Golbey, c'est-à-dire le centre départemental d'incendie de Golbey. J'ai fait un mur d'escalade pour les pompiers, où j'ai réalisé un portrait de pompier. Mais là, je l'ai fait en deux couleurs. C'est une fresque qui doit faire, le mur doit faire dans les 20 mètres, 20 mètres par 15, je crois, un truc comme ça. Mais c'est fait en deux couleurs. C'est pas fait dans le style street art à la bombe. Moi, je l'ai fait à la peinture. Ça, c'est vraiment les plus grands formats. Après, en peinture sur toile, le plus gros format que j'ai réalisé, c'est un cheval. Ah, donc, on est dans l'animalier. C'est une toile pour un client qui m'avait demandé de faire une peinture de son cheval. C'était un cheval de course qui était en retraite de compétition. Il voulait en garder un souvenir. Il m'avait donné des photos. Et j'ai repeint le cheval pratiquement à 80% de sa taille. Donc, la toile, elle doit faire 2 mètres 40 de large et par 2 mètres 20 de hauteur. Là, c'est du gros travail. Là, c'est un gros défi parce que il est réalisé en trompe-l'œil. On a l'impression que le cheval pose devant le spectateur quand on le regarde. Là, j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Combien de temps à peu près? C'est un travail de plus d'un mois. Ah oui. Ça se compte plus en heures. Quand on est passionné, on compte pas les heures. C'est de la passion, mais c'est un travail très, très lourd. Très, très lourd. On en sort fatigué. Ça demande beaucoup de minutie et de rigueur. C'est ça, ouais. C'est des heures et des heures et des heures devant la toile. Et quel est le plus petit format sur lequel vous avez déjà peint? Alors dessiner, j'ai des fois dessiné très très très très petit, notamment quand on dessine de manière très graphique, en noir et blanc, au stylo, à la plume ou avec des techniques où on peut utiliser des outils très très très fins. Le plus petit que j'ai fait, ça a dû être peut-être des logos, hein, des choses comme ça. Mais pour dessiner, non, on peut dessiner très petit, hein, on peut dessiner des formats un dessin qui fait 5 cm par 5 cm. Hein, c'est pas... En peinture, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai des fois dessiné des choses très très très petites, très très fines, même si le format en lui-même n'était pas petit. Mais il m'est arrivé de dessiner, par exemple, j'ai fait une toile animalière qui représente les plaines du Serengeti, avec tous les animaux qu'on trouve là-bas, je sais plus si c'est en Tanzanie, je crois. Ou par exemple, dans le lointain, il y a des troupeaux de zèbres et de buffles, où le buffle fait, si on s'approche, le buffle, il fait 3, 4, 5 mm. Ah oui. Et puis en premier plan, il y a un léopard qui est couché et qui lui fait 40 cm, 50 cm. Ça donne une profondeur terrible au tableau, quoi. Ce qu'on fait en photo normalement, mais là, moi, j'ai été obligé de le faire en peinture. Ça a dû vous demander beaucoup de temps pour faire ça aussi. Oui, c'est très long, très long. Mais ce qui est très long dans ce genre de tableau, c'est pas tellement les animaux. Ce qui est très long, c'est le paysage. Parce qu'il faut travailler un peu comme un photographe, c'est-à-dire que commencer par le fond, donc le ciel, les montagnes au loin, les montagnes plus proches, la brousse, pour venir jusqu'au premier plan, voire l'avant-plan, où là, on voit le détail de la terre, on voit le détail des cailloux, on voit les épineux, les broussailles, les feuilles, tout est détaillé pour aller jusqu'au fond de la toile où ça part en flou. Et par rapport au plus gros ou plus petit format, c'est lequel qui a été le plus difficile à réaliser ? La taille du format, la grandeur, la difficulté, elle est dans le sens où, notamment quand on fait de l'animalier ou alors un paysage, mais c'est que plus c'est grand, ben, plus faut meubler le format. Si je dessine par exemple, à l'expo à la Bresse, si j'ai une toile qui fait 80 par 80, qui a un format déjà conséquent, mais c'est pas non plus énorme, où j'ai fait juste la tête de profil d'un tigre. Si je fais le même sujet sur une toile de 40 par 40 ou 30 par 30, j'aurai moins à meubler en format, sur mon format en peinture, donc en poil du tigre, j'aurai moins à meubler puisque c'est plus petit. Donc plus on est grand, plus faut remplir. Et puis plus c'est grand, ben plus faut rentrer dans les détails. Donc ça demande du temps. Mais il y a des fois certaines toiles qui sont plus petites où on va passer plus de temps parce qu'on va vraiment aller très très très très loin dans le rendu, dans l'aspect qu'on veut donner. J'ai par exemple des toiles où sur la corne d'une vache, je vais passer une journée juste sur la corne. Alors que sur un grand format, j'aurais peut-être passé moins de temps parce que j'avais l'intention d'être moins précis. Donc c'est pas toujours le format. Je voulais partager avec vous une citation de Pierre Soulages qui dit que la peinture, ça ne se regarde pas, ça se fréquente. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Alors après, on est presque un peu, je dirais, dans de la philosophie. On peut le prendre comme on veut. On pourrait dire, ben voilà, c'est un sujet de bac philo, vous avez 2 heures. Là, on parle de Soulages. Oui, pourquoi pas. Tout dépend de comment on veut. Oui, c'est vrai, tout dépend de comment on veut s'accaparer une œuvre. C'est assez étonnant. Moi, je m'amuse souvent à regarder dans les expos, quand je suis présent, de regarder le comportement des personnes, notamment devant mes peintures animalières. Bon, puis si, je pourrais aussi regarder quand ils regardent autre chose chez le voisin qui expose à côté de moi, bien sûr. Et comment dire, on a des comportements très différents d'une peinture à l'autre. Vous pouvez avoir sur une expo, sur la journée, 100 personnes qui vont regarder votre toile. Sur les 100, il y en a 80 qui vont s'arrêter et vont regarder de des manières différentes. Et puis, il y en aura 20 qui passent à côté. Ça les touche même pas. Par contre, la toile qui est à côté, ces personnes-là vont rester devant, alors que les 80 autres ne vont pas être touchées. Vous savez pas pourquoi. Alors vous le savez si vous discutez avec. Ou alors s'ils ont eu une réaction spontanée en vous expliquant tout de suite, ah, je suis fasciné par ça, ça, ça. On en revient à votre gorille. Ou ça peut être le cas. Et ça s'explique pas. Et c'est peut-être ce qu'il veut expliquer Soulages dans sa phrase, ce côté, s'accaparer, rentrer dans l'œuvre du peintre, essayer de comprendre ce qu'il a voulu faire. Ou alors essayer de comprendre pourquoi que ça vous touche. Pourquoi vous êtes touché par ce que le peintre ou le dessinateur a voulu faire. Et moi, j'ai un exemple propre à ça, c'est que j'ai réalisé il y a quelques années, là on en revient au primate, c'est une peinture qui est exposée actuellement à la Bresse. C'est un grand format, hein, 120 par 120, une peinture sur laquelle j'ai dû passer plus d'un mois dessus, une peinture que j'ai réalisée en direct sur un symposium de sculpture en Belgique où j'étais invité. J'ai peint un orchestre de primates qui s'appelle Monkey's Jazz Band Quartet. Il aurait pu s'appeler les Aristosinges. En fait, il y a les 4 singes donc dont on parlait tout à l'heure qui forment un groupe qui forment un orchestre et qui jouent de la musique. Donc ils n'ont pas la parole puisqu'eux ils n'ont pas la parole, donc ils pourraient peut-être nous parler à travers la musique. Alors je les ai reconstitués sous forme d'un quartet où on a un chimpanzé qui joue de la trompette, on a un bonobo qui joue du saxo, on a un pianiste orang-outan et à la contrebasse un gorille. Et cette toile fascine les gens parce que j'ai traité de manière très, alors c'est à la fois humoristique mais en même temps c'est très réaliste, hein, dans le style. Et puis en même temps, on a l'impression qu'ils sont vivants, qu'ils sont là, qu'ils jouent. Parce que j'ai fait un cadrage serré et les gens sont fascinés parce que moi, je suis allé très loin dans le détail, notamment des mains, des animaux et des regards et des instruments. C'est totalement voulu. Et le spectateur est assez fasciné par la scène qui se déroule devant eux. Et c'est une toile donc qui a beaucoup tourné, que j'ai exposé au Grand Palais à Paris. Je l'ai exposé au Salon des artistes lorrains à Nancy où elle a eu un prix. Et c'est une toile que je montre. Ça fait un peu partie de ce qu'on appelle, on a un catalogue et on a des pièces majeures. Celle-là en fait partie, entre autres. Et comment est-ce que vous faites pour mélanger des encres de couleur et du crayon noir ? C'est du, c'est de la technique. Hein. Moi, j'utilise depuis plusieurs années maintenant. Je développe la même technique, notamment entre autres quand j'ai ce que j'appelle la technique mixte, c'est-à-dire celle-ci, encre de couleur et crayon noir. C'est une technique que j'ai développée qui est intermédiaire entre le dessin pur noir et la peinture. C'est-à-dire que le même sujet, je peux le traiter en 2 heures comme en 1 mois, ou en 2 jours ou en 2 semaines. Et ça dépendra aussi beaucoup de la technique. Donc après, du rendu. Et souvent, en fonction, alors c'est une technique que j'ai développé, que j'ai créé, parce que ça dépendait un petit peu à la fois du style que voulait le client, et puis en même temps du budget. C'est-à-dire que je peux traiter le même sujet à des tarifs très différents, puisque si j'y passe 2 heures ou si j'y passe 1 mois, c'est pas le même boulot. Hein. Et le rendu sera différent. Je dis pas que ça sera pas beau, que ça sera pas maîtrisé ou que ça sera. C'est que simplement, avec certaines techniques, on peut aller plus vite pour un final qui se ressemble pas, mais qui s'approche. Et là, justement, cette technique d'encre couleur, donc je peux travailler dans la couleur, puisque si le client veut de la couleur ou si moi j'ai envie de faire de la couleur. Et comme je retravaille dessus au crayon noir sur mon encre de couleur, donc on travaille sur papier, bien sûr, je vais me permettre d'aller assez loin dans le réalisme. Et puis dans la précision. Mais je ne suis pas dans la peinture. Voilà en gros pourquoi j'ai développé cette technique, qui est une technique intermédiaire. Et quand vous dites encre de couleur, moi ça me fait penser aux petites cartouches qu'on mettait dans les stylos. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pour ça que je dis encre de couleur. Je ne peux pas dire aquarelle, parce que les aquarellistes, les puristes, eux, ils utilisent une petite palette à l'intérieur de laquelle vous avez de l'aquarelle, mais qui est sous forme solide. Qui vont diluer, ils apportent de l'eau et ils diluent. Moi, j'utilise une encre de couleur, c'est-à-dire qu'elle est déjà diluée. Elle est dans des petits flacons, elle est déjà diluée. Enfin, c'est-à-dire qu'elle est diluée. Vous avez une gamme de 10 à 20 couleurs. Et moi, après, je la redilue encore avec de l'eau pour la mettre sur le papier. Donc, je peux utiliser une très grande nuance de teinte. Mais la grosse différence avec l'aquarelliste, le vrai aquarelliste, le puriste, c'est que moi, j'ai pas ces petits cubes ou ces petites pastilles d'aquarelle sous forme solide. Moi, elle est déjà diluée. Donc, c'est pour ça que je dis encre de couleur. D'ailleurs, ça s'appelle une encre de couleur. Vous avez l'encre chine, qui est une encre noire. Vous avez l'encre sépia, qui est, on pourrait dire, c'est comme la teinte du brou de noix. D'ailleurs, on peut peindre avec du brou de noix, hein, avec qu'on obtient avec les noix. Moi, mes couleurs sont déjà diluées, pures, mais diluées. Et après, je les retransforme. Et je peux aussi les mélanger. On peut lire sur votre site que vous êtes un touche-à-tout, vous sculptez, vous faites des trompe-l'œil, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Oui, c'est toute l'histoire de ma vie d'artiste. Pour pouvoir en vivre, j'ai décidé, disons que j'avais la capacité, et on m'avait fait comprendre que j'avais cette capacité d'être polyvalent. Donc ici, pour travailler dans les Hauts-de-Vosges, il fallait être un petit peu touche-à-tout pour pouvoir vivre de ce métier d'artiste à son compte. Et donc du coup, toute ma carrière a été basé là-dessus, c'est-à-dire que j'ai créé en fonction de ce qu'on me demandait, c'est-à-dire aussi bien du logo, de l'illustration, des affiches, de la peinture, des fresques. Et j'ai donc dû adapter un petit peu ma technique et mon savoir-faire à tout ce qu'on me demandait de réaliser, d'illustrer en fait. Je suis illustrateur, mais je ne suis pas illustrateur d'édition. Je n'ai jamais fait d'édition, je ne travaille pas pour les éditeurs. Je ne fais pas du dessin de presse, je ne fais pas des choses comme ça. Mais par contre, j'illustre tout ce qu'on me demande en fonction de la technique qui va s'adapter à ce que je dois réaliser, que je vais pas faire en peinture un logo, quoi. Un logo, c'est quelque chose de très graphique. Donc au début, je peignais, je dessinais, je réalisais des logos ou des illustrations avec la technique à l'ancienne, c'est-à-dire dessin peinture ou acrylique. Mais maintenant, quand on me demande un logo, je le fais de manière très graphique, comme un graphiste, hein, j'utilise l'ordinateur. Mais non, pour dire tout simplement, ce côté polyvalent ne me dérange pas du tout. Au contraire, c'est très intéressant parce que ça m'a permis, tout au long de ma carrière, je dis ça m'a permis parce qu'aujourd'hui je suis quand même beaucoup plus dans l'animalier, hein. Je pense que vous l'avez bien compris, mais disons que ça m'a permis tout au long de ma carrière de travailler dans des sujets très très très différents, puisque j'ai eu des clients très très très différents, entre faire des plantes pour des planches naturalistes pour décorer des sentiers de randonnée. Par exemple, j'ai fait un sentier pour le Doubs, pour la ville de Moutes, sur la source du Doubs, où là je travaillais dans le domaine botanique, domaine naturaliste. Entre faire ça puis travailler beaucoup, j'ai beaucoup travaillé pour les pompiers, notamment j'ai même travaillé pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, ou travailler pour une entreprise qui fait exploitation de granit ou une entreprise comme par exemple ici dans la vallée à Saulsure, une entreprise qui fait des débranchements électriques pour des stations, pour tout ce qui concerne compteurs électriques, ça n'a rien à voir avec des plantes ou avec des animaux ou avec des pompiers. Ou alors quand je travaille pour les apiculteurs ou que je travaille pour la boulangerie. Alors ce qui est intéressant justement, c'est qu'en ayant eu des clients très différents, ça m'a permis moi de, un peu comme quand on ouvre un livre, à chaque fois j'ouvre un livre sur un métier ou sur un domaine que je connaissais pas. Donc je suis obligé d'étudier le sujet pratiquement à 100% pour pouvoir bien l'illustrer et répondre à la demande du client. Et c'est ça qui est intéressant, parce que je travaillais, en fait, toute ma carrière, je travaillais des fois 3 ou 4 sujets différents dans la semaine ou une dizaine de sujets dans le mois, ou certains sujets, j'y travaillais 2 heures de temps, d'autres j'y travaillais une journée, ou d'autres j'y travaillais une semaine, en fonction de la quantité ou la difficulté du travail. Et j'ai donc eu des journées et des mois et des années très, très, très, très polyvalentes, mais surtout très, très variées. Il n'y avait pas de monotomie à mon travail. Et qu'est-ce qu'on vous demande le plus comme commande ? C'est difficile à répondre à cette question. Sur le domaine de, par rapport à ce que je faisais avant, ces dernières années, c'était très très très varié, donc je peux pas trop répondre là-dessus. Par contre, maintenant, dans l'animalier, puisque c'est vraiment le but, c'est d'arriver à ne faire pratiquement plus que ça, d'être un artiste animalier à 100%. Dans ce domaine, alors moi j'ai ma création personnelle, mais dans ce qu'on va me demander, c'est-à-dire en commande, alors il y a la commande où on me demande de peindre ou de dessiner son animal de compagnie, ça revient quand même assez souvent, notamment les chiens. J'ai aussi quand même parfois quelques éleveurs qui me demandent de dessiner leurs animaux. Alors c'est pas obligatoirement des bovins, hein. Ça peut être des chevaux, ça peut être des chèvres, ça dépend ce qu'ils ont comme élevage. Mais sinon, c'est vrai que j'ai souvent à dessiner. La vache vosgienne, bien sûr, ça revient très souvent. Mais pour sortir de la vache vosgienne, je dirais que le loup revient souvent. Les gros animaux, les gens aiment bien les gros animaux, hein, les félins, ça revient souvent, les éléphants, en tout cas ceux qui ont fait les personnes qui ont fait des safaris, par exemple, safari photo, souvent me demandent de redessiner d'après leurs photos ce qu'ils ont pris en photo, de réinterpréter une belle image d'un rhinocéros, d'un zèbre, le portrait d'un lion, des choses comme ça. Ça revient aussi, ça. Nous allons faire 2 pauses musicales avant de parler de votre actualité. On vous laisse avec Jane Birkin et Serge Gainsbourg, et Lana Del Rey se retrouvera juste après sur le 107. Vous écoutez Radio Gémozo. Radio Gémozo. 107.0. RGM Radio Gémozo, ta radio locale préférée. Like I told you, honey, don't make me sad, don't make me cry. Sometimes life is not enough and the road gets tough. I don't know why. Keep making me laugh, let's go get high. The road is long, we'll carry on, try to have fun in the meantime. Come take a walk on the wild side, let me kiss you hard in the pouring. Your last words, this is the last time. Cause you and I, we would wanna die. Lost but now I am found. I can see the ones I was blind. I was so confused as a little child, trying to take what I could get, that I couldn't find all the answers, honey. Don't make me sad, don't make me cry. Sometimes love is not enough and the road gets tough. I don't know why. Keep making me laugh, let's go get high. The road is long, we carry on, try to have fun in the meantime. We were born to die. I don't know why. Keep making me laugh, let's go get high. The road is long, we carry on, try to have fun in the meantime. We were born to die. Écoutez Radio Gamozo. Radio Gamozo 107.0. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Olivier. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission. Et merci à celles et ceux qui viennent de brancher leur transistor ou leur autoradio pour nous écouter sur le 107. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos choix musicaux, Olivier ? Le premier choix, Stromae, alors c'est un personnage que j'aime bien, un chanteur que j'apprécie beaucoup, notamment dans ses textes et sa façon de les interpréter. Il est vraiment c'est un peu un cas unique, je dirais. Là, par exemple, dans cette chanson qu'on a entendue, c'est plutôt par rapport à une allusion sur le thème qu'il aborde, entre autres le cancer, qui est un sujet très très compliqué, où on est pratiquement tous, je dirais, touchés, puisqu'on connaît tous quelqu'un qui, ou quelqu'une, qui connaît le problème du cancer. Et dans mon cas, j'ai perdu pas mal de personnes de mon entourage ou d'amis qui ont subi cette maladie, et c'était aussi l'occasion de justement de passer cette magnifique chanson. Et puis pour les deux autres passages musicaux, bon, un petit clin d'œil à Jane Birkin qui nous a quitté. Je suis assez fan du travail et de toutes les œuvres de Gainsbourg, et c'était l'occasion à la fois de mélanger les deux dans une seule chanson. Le troisième passage musical, c'est Lana Del Rey, et c'est simplement tout simplement parce que j'aime ce genre de voix. Exposez vos œuvres à la Maison de la Bresse. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est une exposition qui va donc durer 2 mois. Ça va permettre aux personnes qui veulent la voir d'avoir le temps de venir. C'était une demande de la ville de la Bresse. J'avais déjà exposé donc dans cette salle, qui est une belle salle d'exposition à la maison de la Bresse, là, située le long de la rivière Moselotte, place Entreville. J'avais exposé en 2014. C'était tout frais, tout neuf. Le bâtiment était seulement terminé et j'étais un des tout premiers à l'inaugurer. Alors à l'époque, c'était pas super au point au niveau de beaucoup de choses, au niveau de technique, au niveau des permanences, surveillance. C'est normal puisque je suis allé plâtre. Et du coup, ils m'ont reproposé cette année de réexposer pendant 2 mois cet été, que j'ai accepté tout de suite. Et ça me permettait surtout l'occasion. Alors là, oui, c'était intéressant parce que ça me permettait l'occasion d'exposer, de faire une expo d'art animalier, exclusivement d'art animalier, et de pouvoir montrer ce que j'expose ailleurs, en dehors du département, sur des salons d'art animalier, sur des expos où je montre mon savoir-faire à la matière. Et puis là, ça permettait de montrer ici dans nos vallées ce qu'est un peintre animalier, ce qu'est la peinture animalière. Et ça sera quoi le thème de l'expo ? Exclusivement les animaux. C'est une expo qui regroupe, en tout cas pour ma part, qui regroupe plus de 50 œuvres, dessins, techniques mixtes et peintures, plus 2 sculptures sur le thème des animaux. Avec, je dirais, entre 30 et 40% de représentation de la vache vosgienne, bien sûr. C'était un petit peu incontournable. Ici, j'étais obligé de montrer ça. C'est un travail qui est important. Et puis le reste, c'est beaucoup d'animaux de tout type, de tout poil, de toute plume, crocs, griffes, dents. L'occasion de montrer un bestiaire très intéressant dans tous les formats. Et comment ça s'organise une exposition ? Alors ça s'organise à l'avance, puisque là il faut quand même faut remplir la salle, hein, donc faut avoir de la matière. Alors ce qui est un petit peu compliqué, c'est que bien sûr je fais d'autres expos ailleurs, hein, dans d'autres régions. Et souvent, notamment les salons animaliers, même d'autres expos bien sûr, il faut s'inscrire à l'avance. Par exemple, pour ne citer que l'expo des artistes français, alors maintenant c'est plus au Grand Palais, c'est le palais éphémère qui est situé sur l'esplanade devant la tour Eiffel. Ça se passe en février chaque année. Cette année, donc en février 2024. Là, en ce moment, il fallait faire les inscriptions avant le 18 juillet. Ça veut donc dire que le 18 juillet pour février 2024, il faut s'y prendre à l'avance. Il faut déjà remplir le bulletin et il faut mettre des visuels de ce qu'on va vouloir exposer. En tout cas, ce qu'on va vouloir présenter. Et par exemple, un autre salon auquel je participe chaque année, c'est le salon de Bry-sur-Marne, qui a lieu chaque année de mi-novembre à mi-décembre, qui dure un mois, où c'est exclusivement de l'art animalier avec des artistes animaliers. Moi, j'ai eu l'occasion d'y participer déjà plusieurs fois. Et c'est un salon où on est sélectionné. Donc, il faut envoyer des visuels. Nos œuvres passent devant un jury. Donc, on n'est pas sûr d'être pris. Mais il faut s'inscrire très à l'avance. Ce qui veut donc dire qu'il y a certaines œuvres qu'on ne peut pas présenter, par exemple, dans une expo à la Bresse, là, parce que si elles venaient à être retenues pour tel ou tel salon, on ne pourra plus les avoir si elles venaient être vendues. Ou alors, on les expose, mais on les met pas à la vente. Et donc, il y a tout un travail de préparation dans ce sens. Il faut aussi préparer l'expo. Alors là, dans le cadre des expos de la Maison de la Bresse, ce qui est toujours intéressant, c'est que ce soit une exposition de pain peintre ou une exposition d'autre chose, il y a toujours des animations. Donc ces animations, il faut les prévoir à l'avance, il faut prévoir les dates, il faut prévoir s'il y a un décor, il faut prévoir s'il y a des intervenants, il faut aussi prévoir avec l'animateur de quoi on va parler, quel sujet on va aborder. Et là, dans le cadre de cette expo à la Bresse, justement, on a prévu quelques animations le long de ces 2 mois. Est-ce qu'il sera possible d'acheter une de vos œuvres ? Oui, bien sûr, oui. Alors, elles ne sont pas toutes à la vente, donc j'en reviens à ce que je l'expliquais, c'est-à-dire que certaines sont inscrites sur des salons, certaines ont été sélectionnées, notamment, par exemple, et ça c'est un exemple bien précis, c'est le visuel de l'affiche de cette expo animalière qui représente une lionne vue de dos. C'est une peinture acrylique sur toile que j'ai réalisée cette année, là, au printemps. Je m'en sers comme visuel pour l'affiche et puis pour toute la communication, mais là, par exemple, actuellement, elle n'est pas exposée à la Maison de la Bresse. À la place, on a fait un tirage. Elle reprendra sa place à partir de mardi prochain, parce qu'actuellement, elle est exposée au Salon de Vittel, au Salon International de Vittel, où elle est exposée. Moi, j'expose avec dans le cadre d'une partie du salon qui s'intitule « Les talents vosgiens ». Je suis notamment à côté de photos de Vincent et Michel Munier, les photographes animaliers. Et moi, ma toile donc qui s'appelle « Mayra la Lyonne » est actuellement à Vittel. Et là, c'est un exemple aussi, où elle participait donc à ce salon et où elle a eu un prix de la ville de Vittel. Donc cette toile est vue actuellement là-bas. Je la rapatrie semaine prochaine et elle sera exposée à la MLB jusqu'au 27 août. Et après, cette toile va repartir au salon de Brie-sur-Marne fin d'automne, début d'hiver, là, vers mi-novembre, mi-décembre, parce qu'elle a été sélectionnée, je l'ai appris la semaine dernière, elle a été sélectionnée par le jury pour être exposée cette année au salon 2023. Donc vous voyez, on peut pas toujours mettre les œuvres en vente, mais c'est vrai que cette expo sert aussi un petit peu à me séparer de certaines œuvres animalières que je travaille depuis un petit moment, où j'ai fait le deuil maintenant. Ça y est, je suis décidé à les vendre. Mais en plus de l'expo, vous proposez des ateliers et une conférence. Oui. Alors, il y a une animatrice qui s'occupe d'ateliers pour les enfants, où les enfants peuvent s'inscrire, où ils pourront participer à quelques jeux qui tournent autour de l'animalier. On a créé des puzzles qui représentent certaines de mes peintures. Il y a des questionnaires, il y a des choses à retrouver. Il y aura un atelier où j'ai dessiné des silhouettes d'animaux, où ils vont faire un travail un petit peu style peinture arborigène. Vous savez, ces peintures où on remplit avec des petits points de couleur. Et puis sinon, il y a 2 autres animations qui sont assez intéressantes. Il y a notamment celle du jeudi 20 juillet, où le jeudi soir à 20h30 à la MLB, on va organiser une soirée qui s'intitule « Dans l'atelier d'Olivier Clodon ». En fait, c'est une sorte de copier-coller de ce qui est fait à peu près tous les mois ou tous les 2 mois à la Bresse, où ils font des soirées dans le salon 2, où ils ont déjà eu pas mal de personnes assez connues dans différents domaines qui viennent. Et l'animateur pose des questions à la fois sur le métier, sur ce qu'on fait, ou sur le, par exemple, c'est un écrivain sur le dernier bouquin qu'il a sorti. Le dernier intervenant était Benoît Dutertre, qui était passé d'ailleurs après Claude Vautrin, le journaliste. Et là, par exemple, dans mon cas, on l'a intitulé dans l'atelier 2, puisque c'est plutôt l'atelier d'un artiste que dans le salon, où je vais recevoir l'animateur et le public qui sera là pour écouter ma conversation avec sur mon métier, mais pas que, où on va reconstituer une petite partie de mon atelier. On va dévoiler ça donc le jeudi 20. Et puis il y a une autre animation. Alors là, c'est par contre, c'est vraiment un gros boulot en amont que j'ai dû exécuter. J'ai travaillé depuis pratiquement un an sur ce sujet, parce que je savais que ça me servirait pour d'autres fois, où là je prends plutôt l'habit de conférencier. Je suis pas conférencier, bien sûr, mais je vais faire une intervention sous forme de conférence sur l'art animalier, l'animal dans l'art, depuis la préhistoire à aujourd'hui. C'est-à-dire que l'animal a été beaucoup, beaucoup interprété à travers les artistes, peintres, sculpteurs, fresques, graveurs, photographes, donc depuis les grottes de Lascaux jusqu'à aujourd'hui, dans l'art contemporain. Et je fais donc une sorte de... Ça se passe à la salle des fêtes le 19 août à 20h30, et j'explique avec un diaporama tout ce qui s'est fait, donc depuis la préhistoire, en passant par l'Égypte, la Grèce, les Romains, avec le loup, hein, Rémus et Romulus, et l'art roman, l'art gothique, la Renaissance, le 19e, le 20e siècle, et puis la peinture d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Nicole Muriot et Didier Cripps ? Oui, alors ça, ce sont deux artistes que j'ai invités, alors enfin invités. J'ai donné leur nom, leur référence au service culture de la Bresse, puisqu'il fallait que, pour m'accompagner pendant le mois de juillet, il fallait un peintre dans l'autre salle d'expo, et puis un sculpteur ou une sculptrice dans l'autre salle au mois d'août. Et ce sont des artistes que je rencontre, que je croise, que je fréquente au cours de salons ou d'autres expos depuis plusieurs années. Didier Krips, il est mosellan, lui, il est peintre, mais aussi sculpteur. Là, il a mis, pour cette expo de juillet, il a mis des peintures. Alors, c'est un style assez spécial. C'est difficile à définir, hein. Il est autodidacte. Là, pour expliquer en gros et assez rapidement son expo, on a sur ses toiles, on a toute une série de portraits de femmes et toute une série de cow-boys, toute une série de musiciens. Il est d'ailleurs lui aussi musicien. Et c'est très très très coloré, c'est réaliste mais très coloré. Et ces toiles qui ont toutes pratiquement le même format, 1 mètre par 1 mètre, sont toutes recouvertes d'un vernis très très épais. On a l'impression de voir presque de la peinture émaillée. C'est une technique assez originale. Et puis Nicole Mériot. Alors moi je la connais aussi depuis plusieurs années, même si on se connaît pas intimement, je veux dire on se fréquente juste sur des salons, mais je connais son travail surtout. C'est une sculptrice qui fait notamment de l'animalier de manière très très épurée. C'est quelque chose de très très très beau, ça vaut vraiment le coup d'œil. Elle va mettre beaucoup de pièces là au salon, dans la salle d'expo de la maison de la Bresse, et notamment de l'animalier, puisque comme elle savait que moi j'allais faire une expo animalière, elle a dit je vais aussi mettre des pièces, et ça, franchement, ça vaut le déplacement. Quelle sera votre actualité après cette exposition? Alors, 2023 est une année assez intense en exposition. J'ai des années où j'expose beaucoup moins, même s'il y a certains rendez-vous que je ne manque pas. Là, j'ai déjà quand même pas mal exposé en début d'année. Cette année, bon, cette grosse expo personnelle tout l'été. Je serai le premier week-end de septembre à Luxeuil. Ils m'ont invité, je l'ai jamais fait. Pourtant, ça fait des années que ce salon, ce week-end expo existe. Fin de mois de septembre, je serai à Contrexéville. Je suis invité par des photographes animaliers, enfin naturalistes et animaliers, qui font un week-end de photos naturalistes, et je vais y aller en tant que peintre animalier. Et puis sinon, peut-être un peu plus calme en octobre. Et puis bien sûr, le rendez-vous, comme j'ai dit, le rendez-vous de Bry-sur-Marne, le salon national des artistes animaliers, incontournable pour les peintres et les sculpteurs animaliers. C'est le salon qu'il faut faire. Cette année, je vais y reparticiper puisque j'ai deux de mes peintures qui ont été resélectionnées. Donc, je vais pouvoir reparticiper là, de mi-novembre à mi-décembre. Je n'y avais pas participé l'année dernière, en 2022. C'est pour la simple raison que j'étais dans le jury, donc je ne pouvais pas exposer, et j'étais dans le jury parce que en 2021 j'avais été primé, j'avais reçu le prix Roger Baron, qui est le prix qu'on remet à l'artiste animalier de l'année. C'est un peu le Graal pour un artiste animalier de recevoir ce prix. Et quand on reçoit ce prix, ben, l'année d'après, on est invité d'honneur. Et donc, du coup, dans le cadre de cette exposition, moi, j'avais exposé à peu près plus d'une vingtaine d'œuvres au milieu de 200, ouais, à peu près 200 artistes animaliers sélectionnés, eux, pour exposer une, deux ou trois œuvres. C'était, en gros, plaisanter, j'étais un peu la vedette, quoi. Pour revenir sur ce prix et sur ce salon de Bry-sur-Marne, c'est tellement important pour les artistes animaliers d'y exposer que on ne veut pas le louper, c'est incontournable. Et c'est aussi la chance et l'occasion d'exposer avec d'autres personnes qui ne font que ça, et d'exposer avec des pointures. Être dans ce salon, c'est une reconnaissance. Voilà, dans le milieu, c'est ça. Pour résumer, je dirais, c'est une reconnaissance. Alors quand on a le prix, moi j'ai eu le prix Baron de peintre animalier, je suis reconnu par mes pairs, voilà. Et quels sont vos futurs projets en tant qu'artiste ? En tant qu'artiste, alors j'ai un projet dont je ne parle pas beaucoup, parce que ça fait quand même 2 ans, presque 3 ans sur lequel je travaille. J'essaie de l'intercaler entre les expos et puis mes commandes. Je travaille sur un projet de dessin animalier. Alors là on en revient un petit peu à ce qu'on parlait tout à l'heure de mon dessin au crayon noir. Je suis en train de faire une sorte de bestiaire qui est un cabinet de curiosité. J'en suis à 23 ou 24 créations originales. Je vais essayer d'arriver à peu près à 25, 26 là, parce que j'ai plus d'idées. Et c'est une sorte de cabinet pour un tout petit peu dévoiler. C'est une sorte de cabinet de curiosité où je traite le sujet de l'anthropomorphisme ou même plutôt du zoomorphisme. C'est-à-dire que ça se faisait beaucoup dans le temps au niveau de la caricature presse. Il y a certains caricaturistes du 17e, 18e, 19e siècle qui travaillaient dans ce domaine. Il y a aussi certains dessinateurs de BD aujourd'hui qui font aussi ce système. C'est-à-dire que j'humanise les animaux. Pour vous expliquer, en gros, vous prenez un personnage et il a une tête d'animal, quoi. Mais moi, je l'ai recréé dans une certaine situation, dans un certain contexte. Et cette exposition, quand je vais la faire, représentera toute une suite de personnages qui sont tous dessinés de la même manière, avec la même technique, au même format, et pratiquement tous, plus ou moins pratiquement tous, à la même position. C'est pour ça que ça fait un peu un cabinet de curiosité. Et derrière cette exposition, il y a aussi l'idée de certainement faire des impressions, petit format et grand format, parce que ça sera plus certainement plus facile pour le visiteur de se procurer des tirages. Alors on fera des tirages limités, des tirages numérotés. Ça sera plus facile de vendre des tirages que de vendre les pièces uniques, puisque si on retire un original de la collection elle n'est plus collection justement, puisqu'il manquera des pièces. Donc ça, c'est en réflexion. Et puis aussi, le but, ça sera peut-être aussi d'exposer dans des lieux atypiques, curieux, puisque cabinet de curiosité, essayer d'aller exposer dans des lieux où on n'expose en général pas obligatoirement de l'art. Voilà, en gros, le gros projet, ça serait plutôt 2024. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai un site pro, www.olivierclaudon.com. Enfin, olivierclaudon.com, ça suffit, hein. Vous tapez sur Google pour ne citer que ça. Olivier Claudon, artiste peintre, Olivier Claudon, artiste peintre illustrateur, ou olivierclaudon.com. Et puis, vous me trouvez. Je suis très bien référencé, même si j'ai plusieurs homonymes Olivier Claudon dans le secteur. Mais on fait pas les mêmes choses. Donc, ça c'est bien. Sinon, j'ai une page Facebook. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Eh bien, d'avoir toujours envie, et la motivation de continuer à peindre. Même s'il y a des fois, on a des phases où on est un petit peu moins motivé, parce que c'est normal, hein, quand on fait ça, je dirais pas 24 heures sur 24, mais 10 heures par jour, toute la journée, toute la semaine, à longueur d'année, il y a pas que la passion, hein, il arrive un moment, on peut être saturé aussi, hein, c'est comme un sportif de haut niveau qui à un moment, est saturé. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ce que j'aurais envie, si j'ai un souhait, oui, c'est que j'arrive enfin à ne faire peut-être plus que de la peinture animalière ou du dessin animalier ou peut-être de la sculpture animalière et surtout arriver à faire toutes ces idées qui trottent dans ma tête, qui sont un petit peu esquissées dans certains carnets et que je n'ai toujours pas fait, quoi, il faut vivre, il faut manger, il y a des priorités, le temps passe, il y a que 24 heures par jour et puis on fait pas tout. Et j'ai quand même quelques sujets que je traîne depuis plusieurs années, que j'ai vraiment envie d'aborder et que j'ai toujours pas fait, quoi. Cette émission est maintenant terminée, Olivier. Merci d'avoir été avec nous. Eh ben, merci beaucoup pour l'accueil. C'était très sympathique. C'était à la fois long et court. Long comme une toile et court comme un dessin. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que de nombreux visiteurs viendront voir votre expo qui se déroule depuis le 8 juillet et jusqu'au 27 août à la Maison de la Bresse. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous, c'était Laura. Bye tout le monde. 107.0 RGM. Radio Gémozo, ta radio locale préférée.